Nous allons passer à la deuxième question. Question d'un frère qui demande: Cheikh, lorsque l'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'ami intime d'Allah, azawajal, y a-t-il une explication à cette parole ou est-il interdit de demander le comment ou de faire une comparaison? Jazakallahu khayran. Fadl Cheikh. Quand on dit il est l'ami intime, c'est pour dire que il n'est pas seulement l'ami, pour dire qu'il a atteint le summum dans la relation étroite avec l'être aimé. Non. Avec Allah, on a tous une relation, nous, ça. Le fait de l'adorer, déjà tu as une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la relation la plus étroite avec lui et le summum de cette relation, c'est d'être son ami intime. Voilà. Et ça ne peut être donné et n'a été donné qu'à notre prophète alayhi salam et à Ibrahim alayhi salam. Et quand on est un ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez déjà entre nous les êtres humains, quand on dit que X, Omar est mon ami et Karim est mon ami intime. Vous savez qu'il y a une différence entre les deux. Qu'en est-il donc par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Mais donner plus de détails, ce n'est pas de notre ressort. Non. Tfadl.